Des soirs où il faut presque savoir se taire, surtout lorsque nous sommes en présence d'un gobelin, un ignoble personnage pestilentiel. Savoir se taire parce que sinon, ça se retourne contre nous, et en l'occurrence contre moi. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque l'assistant se nomme Sinistros et qu'il enregistre chacune de vos paroles pour les retourner contre vous. Judas. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Vivod. Yeah! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition du mois d'avril. Lors des Disgrâces 2015, je suis Dr. Pain Pendragon. Je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de mon boulet. Le boulet. Le petit boulet. Une boulette. Une boulette. Oui, boulette, effectivement. Vous aurez tous reconnu Sinistros, et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas reconnu, eh bien, vous êtes les plus heureux de la Terre. Oui, vous êtes très chanceux. Bon. Non. Ben, voilà. On va économiser du temps et de la salive. Comment vas-tu? Non. Ouais, oui, c'est oui, correct. Oui, oui, oui, ça va? Oui. Oui. Bon, Sinistros, tu nous as dit la semaine dernière plein de choses, entre autres plusieurs qui n'étaient pas vraies, évidemment. On s'en est rendu compte au fil des journées qui ont suivi. Oui. Mais est-ce que t'es toujours est-ce que t'as toujours l'intention de me taper sur les nerfs pour le mois d'avril? Oui. Bon. J'avais espoir que... voilà. Des fois que c'était une farce. Et non. Ça répète le genre de blague que tu faisais, dire... Ben non, bon, docteur, je suis revenu, je vais faire jusqu'à l'été avec toi, et puis pas te présenter ce soir, c'était une blague. bon, écoutez, il faut que je mette les auditeurs au fait de quelque chose qui est maintenant officiel. Normalement, Réanimation prend une pause estivale en juillet, tu te rappelles? Oui, à l'époque, là, dans le temps. Ça, ça a toujours été ça, même ouais. L'an dernier. Cette année, exceptionnellement, il y aura une pause estivale qui sera prolongée. C'est-à-dire que normalement, je n'ai pas les dates avancées exactes et précises, mais normalement, en début mai, ce sera les dernières, et peut-être même vraiment la fin avril, début mai, en fait, bref, savoir, là, dernière édition de Réanimation pour l'été au complet. Tu arrêtes de me dire que le mois que je passe avec toi, Réanimation, ça va tellement te détruire qu'il faut que tu prennes une pause estivale plus de bonheur. Et plus longue. Et plus long pour t'en remettre. Oui. En fait, présentement, depuis, je dirais, ce soir, la quatrième émission que tu as de ton retour... Émotionnellement, je suis capable. Complètement fini. Il n'y a plus rien à faire. À chaque deux heures hebdomadairement que je passe avec toi, eh bien... Sors puis tu pleures dans ton coin. Une semaine sur une civière. C'est sûr que tu vas faire, d'ailleurs. Il va pleurer dans son coin. Je vais pleurer, voilà. Non, blague à part, il y aurait vraiment une pause estivale de l'émission de Réanimation, et ce, jusqu'en septembre, parce que C'est fou aura un accord de diffusion pour les parties de baseball des Aigles. J'aime les chars puis le baseball. Ben oui, t'as bien le droit. Donc, mais la date précise de la fin des activités pour la saison régulière de Réanimation est à confirmer. Toujours est-il, hein, n'est-ce pas, qu'on vient d'entendre la formation suisse Celtic Frost, n'est-ce pas? Oui, et Tom Warrior, il prononce ça Celtic Frost. En fait, Tom Warrior prononce Celtic Frost, c'est vrai, tu as raison. Mais selon un journaliste spécialisé de la scène métal, les deux se disent. Selon si tu es en Europe ou en Amérique. Ah. Ici, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en Europe, donc on devrait dire Celtic Frost. C'est ça. Donc, Celtic Frost et la pièce Suicidal Winds qu'on retrouve sur le EP, le mini-album Emperor's Return, qui est paru en 1985, qui plus tard fera office d'une mixture avec un autre mini-album pour devenir Morbid Tales. Oui, puis ma version, les tunes ne sont pas pareilles. Ben oui, tu me disais ça, que t'as fait l'acquisition de l'album Morbid Tales et Emperor's Return, et que les versions d'Emperor's Return ne sont pas les mêmes qu'en 85. Non. Ils ont peut-être évolué le terme. Ben, moi, je t'ai posé la question à savoir, est-ce vraiment Celtic Frost? Non, c'était Iron Maiden. Bon, voilà, ça explique tout. C'était paru, comme je l'ai dit, en 85, sur l'étiquette Noise. Juste auparavant, nous avions Voivod, une formation canadienne, bien entendu, et la pièce Hell Driver, qui était tirée de leur deuxième album, paru en 86 sous l'étiquette Banzai, soit Roar. Et c'est toujours mon préféré jusqu'à présent. Un très court bloc d'introduction d'émission, parce que nous avons plusieurs petites... cellules musicales à vous présenter. Ben, en fait, moi... Il y a des cellules brûlées aussi, remarque. Je parlais pas des tiennes, évidemment, parce que ça serait très court énuméré. Non, c'est vrai que les miennes n'allument plus, là. Allumées? Est-ce qu'elles ont déjà fait quelque chose, tes cellules? En fait, je suis fort content d'apprendre, et je le sais, je l'ai constaté lors de ton dernier passage à la morgue, qu'il te reste celle active pour aller à la litière seule. Oui. Ça, je suis bien, bien heureux d'avoir vu que ça fonctionnait toujours. Oh, mais ça, c'est juste l'instinct, là. Bon, OK. Ben oui, c'est une théorie qui en vaut une autre, effectivement. Bien, hein? Bon, est-ce que je peux te demander d'avoir l'instinct d'arrêter de me taper sur les nerfs? D'accord. Merci. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Moi non plus. J'ai plus d'instinct. Donc, nous avons plusieurs segments, voilà le terme approprié, plusieurs segments musicaux. Et Sinistros, on en a préparé un ce soir qui est, ma foi... Différent. Ben différent, je dirais, en ce qui me concerne, probablement très intéressant. Oui, ben c'est très intéressant pour moi aussi. Pour les auditeurs, ben... Ben en fait, c'est pas vrai ce que je dis. Non, je sais que c'est pas vrai, c'est pas grave. Tu sais, faut que tu dises la bullshit un peu, tu sais, en nombre, tu sais, pour... paraître un peu plus gras. C'est ça. Ben, avec une caméra, il verrait immédiatement que j'ai pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de caméra, c'est ça. J'ai choisi un bloc un peu plus rock occulte pour mettre un petit peu de culture dans leur dans le cervelle des auditeurs, vous voyez. Qui sont tous des enfoirés de première. Ben, c'est pour ça que je leur mets de la culture dans les oreilles. Mm-hmm. Oui. Tu t'es enduit d'une mission sociétaire. Oui, c'est très voilà. Sociétaire. Parce que je trouve que ça manque, ce type de culture-là. Et les gens, aujourd'hui, sont tellement comme pris dans un petit engrenage de comment je pourrais dire? Ils ont des œillères, puis ils vont pas voir plus loin que le bout de leur nez. Ils attendent qu'on leur serve toute la musique pré-mâchée, puis... Ah, c'est bon. Ah oui, c'est bon. La musique pré-mâchée, c'est du black metal. Non, ça, c'est pré-vomi. C'est pas pareil. Mais blague à part, t'as raison, parce que ce qui est occulte, ce qui est evil rock et tout ça, c'est une musique qui a eu une recrudescence depuis... en fait, je pense que Ghost est un des gros instigateurs d'avoir mis... Oui, il y en avait. Avant, mais Ghost a mis une grosse affiche... C'est sûr qu'ils ont fait un gros poster très, très alléchant pour dire « Hey, regardez, ça existe, là. » Puis il y a d'excellents bandes qui se font là-dedans. Puis ce sont des bandes, généralement, qui vont pêcher leur inspiration de choses qui se sont déjà faites par le passé. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que bon nombre de ces groupes-là sont leadés par des femmes. Souvent. Tu sais, t'as vraiment un son de sorcière, pis c'est vraiment cool, là. Ça me fait penser un peu le groupe Coven à l'époque, 1968-69. Il y a une recrudescence avec des bandes comme Blood Ceremony qui sont un peu plus connues, là. Mm-hmm. Mais il y a aussi des Jack Stott, il y a Jess and the Ancient Ones, Devil's Blood qui sont malheureusement séparés. Oui. Royal Thunder, ça en est un autre band dans le même genre. C'est vraiment, ça donne ça donne des bonnes mixtures. Mais t'es très, très bon band. Un peu comme Blood Ceremony qui font un mélange un peu Black Sabbath avec la flûte traversière à la. Ouais, la Jet Rotal. Très, très occulte. Tu sais. Oui. Vraiment bon. Fait que tu nous as préparé une mixture de cet acabit. Ben oui, de cet acabit. Alors, c'est 100% féminin pour cette mixture. Alors, on y va tout de suite avec Blood Ceremony, avec la pièce The Great God Pan. C'est tiré de l'album Living with the Ancients, qui est paru en 2011 sur Rise Above Records. C'est parti, go! We'll be right back. fou de musique. C'est fou, 89.1. Samedi le 11 avril prochain, 21h30, votre café-bar Le Zénob accueille les célèbres Frères Goyette pour une performance hors du commun. Pour une soirée festive et originale remplie de rock agricole, soyez au Zénob pour les Frères Goyette ce samedi 11 avril, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Mets de côté mes gammes, j'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Hey, c'est pas mal dérangé hors onde ici. Eh oui. Mon cher Sinistros, oui. Je dois te dire que c'était un excellent bloc. Je sais. C'est pas modestie qui t'étouffe, toi. Non, c'était vraiment bon. Et puis, j'ai découvert quelque chose que j'ai bien aimé là-dedans. Lequel? Il a dit pas, c'est un secret. Ah, il y en avait quatre. Fait que c'est un secret. Jack Stott. Oui, Jack Stott. Ben, ça, c'est l'avant-dernier qui a joué. Just in the Ancient One. Oui, ça aussi. Oui, oui. Eh bien, on a eu The Devil's Blood, malheureusement défunt, et tu m'as appris qu'un des deux membres, c'était... Sidney Bucci. Il s'est enlevé la vie. Oui. C'est peut-être mieux de même, on remarque. Ben, semble-t-il que c'était un être assez dérangé, hein, voire même dangereux, oui, semble-t-il. Oui. La pièce Fire Burning, qui est parue sur The Thousandfold Epicenter, qui est parue en 2011 sur Van Records. Jack Stoth, avec la pièce Separated at Birth, c'est de l'album Jack Stoth qui est paru en 2008. Moi, j'ai bien aimé. Sur I-Hate Records, il y en a un autre qui est sorti en 2013, dont j'oublie le titre. Jest and the Ancient Ones, avec Astral Sabbath, c'est paru sur le mini-album Astral Sabbath qui est paru en 2013 sur Svart Records. Ça aussi, j'ai trouvé ça bien. C'est très bon, ça. Et Blood Ceremony, les présentations ne sont plus à faire. Ben, elles sont peut-être superflues, oui. Formation de Toronto avec la pièce The Great God Pan qui est parue sur Living with the Ancients qui est parue en 2011. Sur Rise Above, ils ont 3 albums à leur actif et c'est 3 excellents albums. C'était vraiment bien. C'est un bon choix de pièces. Ça fait différent. Je dis pas que c'était... c'est une chose qu'on devrait prescrire à tous les semaines, parce que peut-être qu'on pourrait en décontenancer quelques-uns. Oui, possiblement. Là, ben, tant mieux. Si j'en ai décontenancé quelques-uns, ben ça veut dire bon, allumer. Remets ça sur une prochaine. S'il y a d'autres choses, c'est le trash metal dans la vie. Là, fait qu'allumer. J'ose espérer que oui. Il est 19h47, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Haunted Incorporated Show sur les ondes de Cifou 89.1 FM, en compagnie de Sinistros et moi-même, le docteur gentil docteur Pendragon. Je me serais attendu. Ben voilà, oui, c'est pas moins que ça. Hein. Mon cher co-animateur et gobelin de mes deux, tu te rappelles la formation Morgoth? Oui. Formation allemande qui existe, ben en fait, qui ont existé depuis 1985. Ben, en fait, ils s'appelaient Exterminator, je pense. Oui, c'est ça, à l'époque. Ils sont de 85 à 96, ils sont devenus Minas Morgul. Tu sais que... C'est le même band, ça? Oui, c'est le même band. Et ils sont Morgoth depuis 1987 jusqu'à 98, parce qu'ils ont pris une pause de 98 à 2010. une longue pause de 12 ans quand même. Tu sais que leur nom est vraiment inspiré de Tolkien. Oui, tout à fait, effectivement. Je pensais que c'était de Voivod, là, tu sais. Oui, ben, ça aurait... il y aurait pu y avoir des gens qui auraient cru ça, là. Mais non, c'est Morgoth. C'est Morgoth Invasion de Voivod. Ouais. C'est vraiment tiré Tolkien aussi. Tout à fait, absolument. Je sais pas, j'imagine que tu connaissais le band. Il y a des... Ce qu'ils ont fait par le passé. Surtout le côté plus rock, là, qui était peut-être un peu moins intéressant que ce qu'ils faisaient par... C'est drôle que tu dises ça, parce que, d'après ce que j'ai pu lire, t'es pas le seul à penser ça. Parce qu'initialement, c'était un band beaucoup plus death metal. Moins plus death, là, oui, c'est ça. Mais donc... avec cet album-là, il semble-t-il qu'il serait... Quand je n'ai pas entendu, ils seraient revenus aux sources. Là. Ils sont revenus beaucoup plus aux sources. Parce que ce qu'il faut dire avec Morgoth, c'est que ce n'est que leur quatrième album complet studio. OK. Depuis 87, là, ça nous mène à pratiquement 30 ans, ça. Donc, ils n'ont pas été très productifs. Il y a eu un album live, il y a eu une compilation, il y a eu un single. Ben, le single d'un... de ce qui devait paraître, j'imagine, sur la dernière parution. C'est un band très peu productif. Moi, aujourd'hui, avec l'album On God, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Faut le dire, je m'attendais à beaucoup plus que ça parce que la dernière parution, qui était Feel Sorry for the Fanatics, c'était beaucoup plus industriel. Connotation, comme tu le dis, rock, dark metal à la rigueur. Moi, ça m'avait plu. Okay. J'avais aimé ça. J'étais allé fouiller plus loin à cette époque-là pour revoir ce que Morgoth avait fait comme avec Audium, tout ça. Je trouvais ça correct, mais je trouvais ça quand même ordinaire. J'avais l'impression qu'avec Feel Sorry for the Fanatic, ils avaient trouvé un créneau qui leur convenait peut-être un petit peu plus. Avec l'album Hand God, album qui est paru le 30 mars dernier, donc c'est assez frais fait, sous étiquette Century Media. Moi, j'ai été un petit peu, je dirais décontenancé. C'est peut-être le qualificatif le plus approprié. Je m'attendais à beaucoup. Beaucoup plus dead que ça. Soit beaucoup plus dead que ça. Ou plus rock ou plus dark, okay. Selon le cas. Selon moi, c'est ni l'un ni l'autre. OK, c'est ça. On tombe dans un album plus standard et... Oui, ça a une connotation death metal, bien entendu. Mais c'est un peu mou. Okay. C'est un peu mou. Moi, j'ai accordé une cote de 6 sur 10. Ce qui n'est pas une mauvaise cote en soi. Là. On s'entend que c'est pas un 3. Là. Non, ben dans ton cas, 6 sur 10, c'est quand même une très bonne note. Parce qu'on n'a pas toujours la même façon de coter les albums. Pour moi, 6 sur 10, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui. Quand tu donnes 0, c'est quoi? C'est épouvantable. OK, c'est un cas de... À 6 sur 10, là, c'est Réveillez-vous, c'est un album que je n'écouterai pas. Là. OK. Bon, ben t'es beaucoup plus sans allure que moi. Oui, pas beaucoup, beaucoup. Énormément, même. Un album que je le réécoute... Sans allure, décontenancé. Sans allure, c'est nouveau. C'est pas nouveau, ça. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ridicule? Ça, oui. Une grosse dose. Je m'assume, c'est pas un problème. C'est bien. C'est important dans la bonne direction vers la guérison. Ça. Non, je vais réécouter des albums à partir de 7.5 sur 10. Là, en bas de ça. Ah, il était vraiment dur en affaire. Okay. Bon, ben moi, j'ai accordé un 6 sur 10. En ce qui me concerne, c'est pas une note désastreuse. C'est une note de passage. Un petit peu plus que le passage, mais c'est pas un album qui va me ressusciter beaucoup d'appels d'écoute, je dois dire. J'ai retenu deux pièces de cet album de Morgoth, qui sont respectivement la deuxième et la troisième. On va entendre Voice of Slumber et Snake State, qui, selon moi, sont peut-être les plus, je dirais, intéressantes de cette nouvelle parution qui porte le titre de On God, Morgoth. choses geek. Sur le campus de Trois-Rivières, c'est le 99. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Monsieur Tremblay, Madame Dubreuil, si je vous ai convoqué à mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, Mathis, cette semaine, s'est amusé, a pris plaisir à faire des blagues sur la surcharge pondérale de sa camarade de classe, la petite Julie. La petite toutoune, là! Ben oui, la petite toutoune, c'est notre voisine! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro, tous les lundis, à la Chasse-Galerie. Lundi le 11 avril, c'est la grande finale et le gala mollusque de la Luître. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. Et tout va mal. Eh oui, je suis là. Ben, c'est pas juste à cause de toi. Bon, pour une fois. Mais d'une grande part dans cette course. Ah oui, je sais bien. Oui, oui. Bon, ben, c'était Morgoth et deux extraits de leur plus récente parution, quatrième album studio complet de cette formation allemande. Il est paru le 30 mars dernier, soit On God, sous étiquette Century Media. On a entendu la pièce Snake State. Et c'était précédé de Voice of Slumber, c'est respectivement les deuxième et troisième pièces de cet album. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Ça manque de couilles. Ben, en fait, c'est un disque, hein, difficilement capable de greffer des organes. J'essaie bien les choses dans ma vie, mais ça ne fonctionne pas. D'accord. Non, ça manque cruellement de profondeur et de... OK. En tout cas, c'est la musique de... Ça reste en surface. Peut-être avec une sonorité peut-être un peu plus crasseuse, ça aurait peut-être été mieux. Mais définitivement, la production, j'espère que c'est pas de leur faute parce qu'ils l'ont manqué un petit peu. Ben, moi, je te dirais, au niveau technique production, c'est pas là que je reproche quelque chose, mais je suis d'accord avec toi pour dire que ça reste en surface parce que on a l'impression de pouvoir palper des vides un peu partout. Ouais, c'est ça. C'est pas un genre de métal qui réinvente la roue loin de là. Mais ça vient pas te chercher, là, dans le bas du ventre. Là. Absolument pas. Non. Ça réinvente absolument rien, comme je le disais. Ce qui veut dire que quand tu veux pas être... Ben, non, pas quand tu veux pas. Quand tu ne peux pas ou que ta tentative n'est pas fructueuse d'être innovateur, ben, essaye de mettre de beurre un peu plus gras sur quelque chose pour avoir l'impression d'en pitcher un peu plus. T'sais? C'est là qu'on voit que même dans le métal, ça frappe. Là. C'est faut que tu sortes des albums pour sortir un album. Pis... Ben, c'est saturé un peu, ce marché-là. On a fait... Il faut qu'il y ait une régénérescence qui se fasse de ce genre de musique-là, soit le métal, parce qu'on est à une espèce de point de rupture. Il y a pas seulement trop de bandes. Beaucoup trop de bandes. Il y a beaucoup, beaucoup trop de bandes. Puis il y a beaucoup de bandes qui refont des retours. C'est ça. Font des retours, ce qui n'est pas toujours mauvais. Il y a des bandes qui se reforment, puis je trouve que c'est très correct pour certains. Il y en a, c'est bon. Hein. D'autres, c'est peut-être un peu inutile, là, on en conviendra. Mais quand mon gars fait un retour, je pense que ça aurait été de mise de mettre vraiment le paquet sur quelque chose qui pouvait en rejeter un peu plus. L'album est flat. Oh, c'est flat, c'est ça. C'est ouais. Flat. C'est pas, en ce qui me concerne, c'est pas mauvais, c'est correct, pas plus. Mais si je fais un comparatif avec, exemple, je reviens avec, toujours avec mes exemples qui sont de mes highlights l'an dernier, là, Matt, tout ça, là, c'est wow! Ben, c'est là, ça. C'est là ce que t'entends des albums comme Matt ou comme le bloc que je vais présenter tantôt. Ouais. Ou ce qu'il y a des nouveautés de bandes comme Emmett. T'écoutes ça puis tu fais garde, là. Au moins, dans le métal, il y a encore quelque chose de très intéressant qui se fait, là. Exactement. Si on prend, par exemple, le nouvel album de Melekeh, c'est très bon. C'est très bon. C'est très original. C'est très bon. Tu sais, Nile fait encore du très bon stock, là. Ouais. Mais ça, bon, ben, on conviendra que, ben, ça, c'est une opinion qui est la nôtre. Oui. Ça veut pas dire que c'est une opinion qui est endossée à l'échelle internationale. Quoique, je doute beaucoup qu'on se rende jusque-là, là. Mais peut-être qu'en Angleterre, pour nos auditeurs. C'est vrai. Peut-être qu'à New York, pas en France aussi. Oui, c'est vrai. T'as raison. Hi to our fellow auditors in New York. Écoute, je vais passer à une deuxième nouveauté. Je suis un peu comme toi, j'explore beaucoup. Des fois, j'ai certaines déceptions. Ouais, des mais fois, moi, t'avoue, depuis début 2015, là, les déceptions, il y en a pas plus. Il y en a pas mal plus que de bons coups, là. Écoute, il n'y a pas énormément de choses, entre guillemets, majeures qui sortent. Non. Fait que, tu sais, on se rabat sur des formations qui sont peut-être un petit peu plus underground, moins connues. Des fois, il y en a certaines à travers qui sortent, qui sont, ouais, c'est une belle découverte, c'est le fun. Il y en a beaucoup qui passent, là, comme du beurre dans le poêle, puis on les voit plus. Puis, en tout cas, le beurre brûle vite, là. Oui, il y a tendance à même noircir à l'occasion. Je vous parle d'une formation qui vient de la Grèce. La Grèce, c'est quand même un pays qui est assez prolifique bassin, là. Ouais. Il y a des bonnes choses qui sortent de là. Je vous parle de la formation Sickening Horror. C'est une formation qui existe depuis 2002. C'est une formation qui donne dans un technical death metal. Oui, à rigueur, ça peut s'appliquer comme qualificatif. C'est leur troisième parution studio complète qui est parue précisément en 2012. Le 17 mars dernier sur Deep Sand Records, une étiquette que je ne connais pas du tout. Un petit label quelconque. Ben, c'est peut-être même le leur, là. Va donc savoir, je sais pas. Écoute, c'est un band que j'ai découvert avec Overflow, c'est le titre de dernière apparition. C'est un peu le même processus, si tu veux, à quelques exceptions près, que Morgoth. Je lui ai accordé une note de 6,5 sur 10 parce que il y a une espèce d'aspect mélodique qui normalement me rebute dans le death metal, qui ici j'ai trouvé comme intéressante. C'est pas saupoudré en gros, on n'a pas fait gratiner le plat en entier, là, mais on a mis un peu de parmesan, ça et là. Ça donne une saveur. C'est pas du craft, là, du vrai. Là. Oui, ben, qu'ils ont râpé eux-mêmes. Oh. Là. Oh, oui, évidemment. De quoi tu parles, là? J'ai trouvé ça, ben, curieusement intéressant par moment. Puis c'est ce qui m'a fait prendre la décision de présenter deux pièces de cette formation, Sickening Horror. Deux pièces tirées d'Overflow. La première et la deuxième qui seront respectivement Interstellar et The Winter That Never Came. On va aller écouter ça. Allons-y. Go. Yeah. say empty river, a bird that flies up to. As soon as the breezes discover, we think that without the illusion, the sphere of which you're in the tune. In a place where you wish forever. find your truth. The right that you defeat. Me and the rest you can't conceive you to feel. The rest you never get. Because that's what I was on with you. De sujets divers. C'est fou, 89.1. Vendredi le 10 avril, 21h30, votre café-bar Le Zénoble est heureux de vous présenter le spectacle de la formation Le Vaisseau d'Or. Pour une soirée découverte aux accents folk ambiants, venez entendre Le Vaisseau d'Or ce vendredi 10 avril à votre café-bar Le Zénoble, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de folk! C'est fou! 89 ans. B, c'était pas mal mieux que l'autre, ça. Ben. Mais encore, là... Ben, c'est doux, là. Oui, c'est vrai. Écoute, Sickening Horror, formation qui vient de Grèce. Une formation qui en est à leur... je pense que c'est leur troisième album studio complet, Overflow. On vient d'entendre des pièces The Winter That Never Came. J'aime bien le titre, par contre. Et la pièce d'ouverture de cet album, Interstellar. The Winter That Never Came? Oui. J'aimerais ça. Ça se pourrait comme ça ici, moi. Oui, ben, ça risque pas de se produire, non. Ça. Et ça pourrait peut-être être The Winter That Never Gone. Oui, c'est ça. The Winter That Never Ends. Je peux pas dire que j'ai vraiment trouvé ça excellent. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça mauvais, loin de là. J'ai trouvé qu'il y avait un certain petit charme, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un aspect, je dirais, mélodique. Technical death metal charme. Oui, c'est à peu près ça. Charme. Ça sonne un petit peu vide, par contre. Je dois dire, là, c'est... Bon, bref, 6,5 sur 10, ça vous gentil, va faire une idée. Gentil, peut-être un petit peu. Je voulais dire une chose. Tout à l'heure, tu sais, on parlait de Morgoth, mais il reste seulement deux membres de la formation. En fait, c'est pas une raison. Un membre de la formation originale. Ouais, un autre... C'est juste un bras. Là. Oui, c'est ça. Effectivement. qui n'était pas la tête. Il jouait comme un pied, finalement. Le guitariste Harold Buse, qui est là depuis 87, et Sebastian Swart, qui est là depuis 90, qui était le bassiste à l'époque, qui est devenu guitariste depuis 2010, mais ce n'est plus le même chanteur. Il s'agit de Karsten Jager, qui est là depuis 2014, nouveau bassiste depuis 2011, et batteur depuis 2011, et un nouveau bassiste depuis 2010. Ça peut expliquer un peu la différence de ce qu'on connaît de cette formation. Autre chose, t'as écouté le nouveau Monolith Death Cult, l'album Blood Cult? Moi, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Non. Bon. J'ai donné 6,5 sur 10. Alors, c'est comme une note à la mode, là, ce soir. Ouais, mais ça fait 6-6-6 au bout de téléphone. Ouais. Et je vais te lire textuellement ce que j'ai mis comme chronique sur le site de réanimation. Je suis en partie d'accord avec Sinistros. Il est con. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais non, mais ça. Je suis en partie d'accord avec Sinistros. Ce à quoi je m'attendais de la part de That Cult était plus original que ça. Ici, avec Blood Cult, nous retrouvons tout simplement un groupe de death metal qui joue dans le fond, comme beaucoup d'autres le font, sans avoir retenu ce qui faisait de leur distinction, soit leur originalité, produite par l'ajout d'échantillonnage et d'ambiance à caractère symphonique. On ne retrouve à peu près plus ces atouts qui les distinguaient. Il s'agit de death metal extrême correct, mais selon moi, ce n'est pas ce que le band aurait dû nous présenter. Bon, j'étais pas si fou que ça, finalement. Fait que tu vois, on est d'accord sur... mais death metal, dans le fond, c'est correct. Là, tu sais, ça blast, mais tu sais, ça manque de la finesse qu'ils avaient. C'est cela. Puis de l'intérêt qu'ils produisaient aussi. La semaine prochaine, je vais vous présenter un extrait de la nouvelle formation. Nouvelle présente. Ouais, mais on va-tu le dire? Nouvelle quelque chose, là. La nouvelle quelque chose du groupe de quelque chose. Oui. De la nouvelle parution de la formation finlandaise Baron Hearth. C'est bon, dont je vais vous parler la semaine prochaine. Côté cinéma. J'ai pas écouté énormément de choses depuis notre dernière rencontre, mon cher, parce que je me suis concentré, entre autres, sur la finalisation de Walking Dead saison 5, qui est, ma foi, excellente. Et j'ai hâte de m'y mettre. C'était vraiment, vraiment bon. Et la fin nous présage encore pour une sixième saison des ennuis qui sont, ma foi, assez lancinants. Bon. Par contre, j'ai écouté deux films d'action qui sont... faut savoir tuer le temps, des fois, là. Qui sont corrects, distrayants, divertissants. Un film avec Jason Statham. Jason Statham, comme je l'ai écrit dans ma chronique, encore une fois, c'est un gars qui fait pas de grands films. Nouvelle coqueluche qu'on casse tout. Et, voilà, c'est ça. C'est un film qui fait de l'action pas mal tout le temps égal. Mais généralement, il le fait bien. Il le fait bien. Il y a de l'action, c'est le cas de le dire. C'est un gars qui a des ressources physiques qui sont intéressantes lors des prestations de combat. C'est un gars qui a la gueule de l'emploi. Donc, j'ai écouté le film Wild Card, qui porte aussi le nom de Joker, qui met en vedette Jason Statham, Michael Argerano, que je ne connais pas, et Dominique Garcia Lorido, que je ne connaissais pas non plus. C'est l'histoire d'un ancien des forces spéciales qui se recycle en garde du corps et qui est un accro du jeu, spécialement du blackjack, et de ses engagements avec diverses gens plus ou moins... histoire classique pour un très film... Très stéréotypé, mais c'est divertissant. Oh, c'est divertissant. On va dire, comme on dit, c'est un film de pif-paf, puis ça rentre dedans. C'était un film de pif-paf. J'ai passé, une heure et 35 minutes, je crois, divertissant. Je lui ai accordé un 7 sur 10. Autre film que j'ai vu un peu dans le même acabit, est-ce que tu avais vu le premier film Taken avec Liam Neeson? Le 1, oui. J'ai pas vu le 2. À moins que le 2, c'est pas celui-là que sa fille se ramasse en France, ou c'est le 1, ça? Ça, c'est le 1. Bon, j'ai pas vu le 2. Est-ce que tu avais apprécié le 1? Oui, mais ça. Le 1, c'était bien. Je trouvais ça original, dans le genre du film d'action. Oui. Le 2, je vais trouver ça décevant. Et le 3, c'est complètement, c'est assez différent, mais je pense qu'on pourrait arrêter à un moment donné de vouloir étirer la sauce un petit peu, là. Ça goûtera plus rien. C'est avec Forest Whitaker, Liam Neeson, bien sûr, et Maggie Grace. J'ai accordé un 6 sur 10. C'était correct. C'était divertissant. C'est sûr qu'à un moment donné, à force de vouloir toujours étirer les choses et faire des suites à n'en plus finir. Trop, c'est comme passé. Oui, c'est ça. Chose à surveiller, c'est la troisième saison de Vikings. Je l'ai pas écouté encore. C'est vraiment excellent. Je te le conseille fortement. Vikings, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, c'est sur History Channel. La troisième saison est débutée. Je vais vous en parler dans les semaines à venir. Et comme je vous disais, le Walking Dead saison 5, je lui ai accordé un 9 sur 10 facilement. C'est vraiment excellent. 16 épisodes qui auraient dû en durer 32, selon moi. Nouvelle saison aussi pour Bates Motel. Les deux premières étaient intéressantes, je dirais assez originales. Ouais, mais là, je vais peut-être me rentrer là-dedans bientôt. Là. C'est correct. Tu sais que le gars qui fait Norman Bates, c'est le petit gars qui jouait dans Charlie la chocolaterie. C'est-tu vrai? Oui. C'est lui? Oui. Bon, ben écoute, personnellement, là, c'est un avis très, très personnel. Il s'appelle Andrew Lincoln et je trouve qu'il y a une face à fesse dedans. C'est vrai? Oui, mais il fit dans la série. Et sa mère est une vraie tordue. Donc, les deux premières saisons, j'avais trouvé ça assez intéressant. Assez correct. Donc, j'ai hâte de voir la troisième. Ça aussi, je pense que tu pourrais trouver ça intéressant. Le film que je... Ben, le film, c'est pas un film, c'est une série que je vous recommande de découvrir ou de revoir. Une série des années 60, 65 à 60, 63, 65, pardon, c'est The Outer Limits. Au-delà du réel. Oui. Tu sais ce que c'est? Oui. Ah bon, moi, je suis un fan encore de ça. Ben, ça. C'est le fun. Tu sais, c'est très naïf, là. C'est plein de charme, par contre. Oh, là, ouais, c'est cool. Fait que, au-delà du réel, il y a eu trois saisons, avec quand même passablement d'épisodes chacun, puis c'est de la science-fiction des années 60, avec les convictions des années 60, les peurs des années 60, qui étaient souvent axées... Oui, mais qui étaient souvent axées vers l'URSS. Oh oui, c'est ça. L'invasion, la guerre froide, tout ça, les peurs et tout ce qui était ces espèces de mythes et tabous américains. Donc, The Outer Limits, ça décrit bien la chose, c'est divertissant, c'est pas du grand fluff-là, mais c'est très honnête. Musicalement parlant, toi, t'as quelque chose à nous proposer. Je pense que t'as peut-être même des trucs... On va aller dans un bloc de dette un peu plus technique. Un bloc de dette technique agricole. Agricole, oui, oui, agricole. Du dette agricole. Ouais. Tu pars le tracteur, puis tu pars la moissonneuse-batteuse, puis ça fait du grain. Voilà. Ben, donc, c'est du grain. C'est du grain agricole. Ah, OK. C'est ça. D'accord. C'est n'importe quoi. Oui, c'était... C'est, non, parce que c'est... on a entendu le terme rock agricole tantôt, puis on se demandait... On a entendu ça? Oui, j'ai entendu ça dans... Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, t'as raison. Agricole. Ben oui. Qu'est-ce que ça peut être, je ne sais pas. Moi non plus. Bof. Qu'est-ce que tu disais, toi? Non, c'est correct. OK. Alors, on va y aller dans un death metal un peu plus méchant et parfois plus technique... On va commencer avec nos Anglais disjonctés de Anal Natrach qui ont sorti un album en 2014 qui s'appelle Desideratum, qui est aussi excellent que le précédent. D'accord. Et l'autre précédent et l'autre précédent. Et ainsi de suite. C'est un band très constant. C'est un band précédent. Oui, c'est un band précédent, c'est ça. La pièce sera Unleash. C'est paru en 2014 sur Metal Blade Records. Et nous aurons trois formations qui sont presque inconnues du grand public, et surtout à réanimation aussi. Matt en a déjà passé. Ah, souvent? Oui. Oui. On aura deux bandes dans le même acabit, là. On a Emmett et Sectou. Mais que je ne connais pas. C'est assez disjoncté, ça aussi. Oui. C'est, tu rentres dans une grosse dette... Agricole. D'accord. On va aller écouter ça, mon cher. On dépluche des patates et let's go. C'est violent, ça. Alors, allons-y tout de suite avec Anal Natrach Unleash. Go. bien, cette petite formation suédoise? Oui, Sektu, Sektu. Et non, c'est pas du japonais, c'est du... C'est du suédois. Oui, eh ben non, peut-être même. Même pas. Onset of Destruction, paru sur l'album Nefarious, c'est paru en 2014 sur Visiculum Productions. Oh, mais comment tu dis ça? Ça sent pas mal une opération, cette affaire-là. Ça a l'air à faire mal, effectivement. Matt, avec As We Create The Hope From Above, tiré de l'excellent As We Create The Hope From Above. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est tellement bon. C'est paru en 2014 sur Oral Attack Productions. Oui, effectivement, Oral Attack, c'est une attaque pour les oreilles. Oui. Emmett, avec Etir, tiré de l'album Etir, 2014 sur Extreme Music. Et on a commencé avec Anal Notrak avec la pièce Unleash de l'album Desideratum qui est paru en 2014. C'était assez dans le fond, merci, ça. Ben, c'est le fun. Ben oui, c'est bien agréable. En spectacle, c'était écœurant, hein, c'est... Côté spectacle, le BCI vous présente, oui, effectivement. Ben, regardons vous... ça dans la traque, viens voir ça. Ben oui, hein? Vous présente et vous propose lundi le 4 mai au Foufounes électriques Misery Index, Killing God's Tour, en compagnie de Lord Dying et Insurrection. C'est le 4 mai à 20h au Foufounes électriques. Je ne connais pas les autres Insurrection. Je sais qu'ils connaissent. Tu ne connais rien, toi. Au coût de 15$ et 20$ taxes incluses. Pour assister à ce spectacle, Septic Flesh, Moonspell, Conquerors of the World 2015, et qui sera en compagnie de Death Star, c'est le jeudi 14 mai à 20h au Théâtre Corona. Les billets sont en vente au coût de 21,74 et 26,9 plus taxes à la billetterie du Théâtre Corona. En Alnatrak, au Svarsbeten. Et je me rappelle plus du reste. Non, mais... Qui était le charme suprême. Ouais, mais dis-le pas des coups que oui, le dragon se lève. Effectivement. Le charme suprême de Merlin. Donc, ils sont en compagnie de In City, je peux pas vous dire. Et groupe invité, c'est le mercredi 20 mai à 20h au Foufounes électriques au coût de 18$ et 22$, taxes incluses. Et Sepultura, compagnie Destruction, Arsis et The Last 10 Seconds of Life en compagnie de Starkill seront le vendredi 29 mai, 19h au Club Soda, là, au coût de 30,43 et 34,78 plus taxes. Disponible à billetterie du Club Soda. La semaine prochaine, je vous présenterai un extrait du nouvel album de Baron Hurt. Toi, tu fais quoi? Je le sais pas encore. Ben ça, c'est une vérité dans ce qui te concerne. Non, mais parce tu que... le sais jamais non, ce que non, j'ai tu plus fais. De neurones, tu le sais. Bon, je vais t'en implanter tout à l'heure. J'en ai justement un petit sac avec moi un ici. Un sac de neurones? Ils sont usagés un petit peu, bon, mais bon. C'est pas grave. En fait, sont, mais plus qu'ils... Oui, ils sont usagés, probablement même mélangés. On verra ce que Sinistros va nous proposer pour la semaine prochaine, parce que oui, il y sera. Dans quelques minutes, restez pour Matière Noire avec notre ami Alex, qui va probablement vous faire pleurer de joie ou de rire, je sais pas. Il a l'air dans un bon mood, hein, Alex? Ouais. Il va vous détruire les neurones, peut-être. Peut-être. Ouais. Il est seul ce soir et il est abandonné comme un pauvre orphelin, mais c'est pas grave. On lui a dit de garder la lumière allumée et qu'on l'appellerait voir si tout va bien. Tout est correct. Hein. Quand si vous voyez qu'il n'y a plus de musique, à un moment donné, il appelle la police, il se passe quelque chose. Effectivement, ou quelque chose du genre. Passe-moi dans ça, deux minutes, toi. Je t'apporte ça. OK. Ça va être juste correct, mon ami, parce qu'on va se quitter avec une dernière pièce qui est tirée du dernier album de Malakesh. L'album Henke. Qui est un excellent album, oui, c'est ma foi. Vraiment, c'est un des meilleurs, j'ai entendu, en sortie depuis 2015. Ben, au niveau ça du le seul. Il n'y a pas énormément de choses, j'en conviens, mais c'est vraiment très, très bon. La pièce étant Lost Tribes. C'est avec un featuring de Max Cavalera, cette pièce-là. Ah! Je peux même pas dire à quel niveau il est. Ouais, Max Cavalera, je sais à quel niveau il est. Oh non, ça oui, ça, on le sait. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Réanimation. Restez sur les ondes. Je l'ai dit, Matière Noire. Et sur ce, mon cher, eh bien... Allez tous vous faire foutre. See you.